premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'héritage des guerres. Ce matin, le grand entretien avec Masha Serovic, lauréate du prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, où nous nous trouverons dès jeudi soir et pour l'émission de vendredi ainsi que tout le week-end. Son livre s'intitule « Les enfants de Staline ». Une émission que nous allons dédier à un historien dont les leçons ont beaucoup compté pour nous, aussi bien sur la mort, sur les images que sur l'engagement en plein cœur de la Révolution française, Michel Vauvel, dont on a appris la disparition ce week-end, une figure importante dont nous vous reparlerons très bientôt dans la Fabrique de l'Histoire. Cet engagement, donc, dans le contexte d'une autre guerre révolutionnaire que celle de la Révolution, eh bien, c'est au cœur de notre émission de ce jour avec Masha Serovic, qui vient de remporter donc le prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois pour son livre Les Enfants de Staline, paru aux éditions du Seuil. Masha Serovic y raconte dans une très belle écriture la guerre des partisans soviétiques entre le début de l'opération Barbarossa et 1944. Un extrait du premier mouvement de la 7e symphonie de Chostakovitch, dirigée ici par Kurt Mazur, une symphonie dite de Leningrad, qui exalte la résistance soviétique pendant le siège de cette ville de Leningrad et qui a été créée en mars 1942, à Samara, en Asie centrale. Bonjour à vous, Masha Serovic. Bonjour, Révélé. C'est une histoire que vous connaissez bien, effectivement, le déplacement de ce conservatoire au cœur de l'Asie centrale. C'est le conservatoire de Leningrad, devenu depuis Saint-Pétersbourg, qui déménage et qui va s'installer là où il n'y a pas le conflit ni le siège, qui donc fait durer ce calvaire, pourrait-on dire, des habitants de Leningrad, un calvaire qui durera longtemps, une résistance qui durera aussi longtemps et qui est due en fait à cette opération Barbarossa par laquelle vous commencez vos enfants de Staline. Vous pouvez nous dire effectivement ce moment de 1941 où eh bien les Allemands renversent leur alliance et envahissent l'URSS qui était théoriquement leur allié en détruisant quasi instantanément une grande partie des forces et en particulier des forces aériennes soviétiques. En effet, c'est juste un moment du coup très difficile à raconter parce que c'est un moment de choc absolu pour les soviétiques. C'est un moment où un système qui se disait, qui se pensait non seulement invincible, mais surtout qui avait construit pendant plus de 20 ans l'ensemble de son industrie, de sa société, dans la perspective de cette guerre à venir, de cette guerre pensée, imaginée, tout à coup, en 41, le choc, tout s'effondre. C'est plusieurs millions de prisonniers de guerre en quelques mois, des morts, pareil, par centaines de milliers. Donc une armée qui s'effondre, c'est pratiquement l'armée rouge, est balayée en quelques mois. C'est l'évacuation, mais c'est aussi justement ce moment de résilience incroyable de ce système soviétique, donc l'évacuation des élites, comme le conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui a la chance d'échapper au siège où vont mourir 800 000 personnes. Mais pour les gens qui sont dans les territoires occidentaux, qui sont occupés par les Allemands en quelques semaines ou quelques mois, c'est un moment d'indicible, un moment de choc total, de perte complète des repères et de désorientation complète. Oui, parce que effectivement, ces troupes allemandes pénètrent extrêmement facilement dans ce territoire, donc qui est composé des pays baltes, de l'Ukraine, à l'actuelle Ukraine, de la Biélorussie, etc. Pénètrent très facilement dans ces territoires et vont vouloir aller jusqu'à Moscou, comme Napoléon avait voulu le faire un siècle plus tôt. Ils veulent aller jusqu'à Moscou, mais ils seront brusquement arrêtés, justement, dans leur offensive, et ils vont devoir, ce qu'ils avaient déjà prévu, gérer des territoires qui sont des territoires gigantesques, qu'ils ne connaissent pas très bien, même s'ils ont beaucoup préparé cette attaque, Masha Serovitch. Ils l'ont beaucoup préparé, ce qu'ils n'ont, mais c'est plus une sorte de rêve d'empire nazi, plus qu'une préparation de la réalité de la gestion de territoires occupés. C'est des plans qui sont criminels, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les connaît, les fameux ordres criminels. Des plans criminels visant à l'extermination d'une partie de la population, bien entendu les juifs, donc ce n'est pas dès l'origine l'extermination, mais dès la planification de Barbarossa, cette dynamique est déjà en œuvre. C'est la chasse aux communistes, c'est l'exécution des commissaires, c'est des ordres c'est des plans qui visent à l'extermination de dizaines de millions de ses habitants afin d'ouvrir la place à cet espace vital qui devrait être occupé par les Allemands. Ça, c'est l'idée. Je ne sais pas combien on peut appeler ça un plan. Cela ressemble plus à, effectivement, une sorte... De rêve, vous disiez, voilà, ou de cauchemar pour les habitants. Pour d'autres, ce qui se passe sur le terrain, c'est effectivement, finalement, quelque part, quelque chose de beaucoup plus classique, à savoir une armée qui est complètement prise au dépourvu par la réalité de cette occupation. Donc, ça va très vite. Le 22 juin, ils attaquent. Le 28 juin, ils prennent Minsk. Minsk, c'est quand même à 1000 km de Berlin. Donc, ça va en quelques jours, tout tombe. Mais enfin... Ensuite, on a 60 millions de personnes à gérer, on a effectivement des territoires immenses, on a des milliers, des dizaines, voire des centaines, voire des millions de soldats qui sont prisonniers de guerre ou qui sont en train de errer dans les campagnes. Qui se retrouvent derrière vos lignes. Ce qui est quand même facile à imaginer, je veux dire, si on va aussi vite, logiquement, on va se retrouver avec plein de soldats, effectivement, des soldats soviétiques qui sont démobilisés derrière les lignes allemandes. Voilà. Aucun plan pour les gérer. Les prisonniers de guerre sont campés, sont mis dans des camps où ils sont laissés à la famine. Très bien. Que faire d'autre avec cette population? Les Allemands, finalement, n'en ont cure. Voilà. Et donc, ils se retrouvent dans cette situation à devoir poursuivre l'offensive et en même temps gérer ces immenses territoires qu'ils viennent de conquérir en très peu de temps. Et c'est le cœur de votre travail, Masha Serovitch. Ces enfants de Staline racontent comment on va, dans cette... partie du territoire anciennement soviétique, on va faire renaître le mythe du partisan, un mythe du partisan qui remonte même dans la mythologie soviétique jusqu'à l'invasion par Napoléon. Ça n'est pas pour rien que je citais tout à l'heure en 1812 de ces mêmes territoires russes, parce que effectivement ces francs-tireurs, ces partisans sont dans la mythologie soviétique, mais étaient auparavant dans la mythologie russe du 19e siècle pour avoir permis, plutôt empêché, Napoléon de conquérir la Russie, Masha Serovitch. Le mythe du partisan est en effet assez puissant dans ces territoires, réactivé effectivement en 17 et avec la guerre civile, mais qui effectivement remonte à la grande guerre patriotique, à la guerre patriotique, la première, donc la deuxième étant la grande guerre patriotique, qui est le nom donné à la deuxième guerre mondiale en ex-URSS. Donc la guerre patriotique, ces paysans qui se seraient levés contre les occupants français et Napoléon, et qui est effectivement une première occupation qui a laissé des traces aussi très concrètes jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez en Biélorussie et que vous vous intéressez aux partisans soviétiques, on va vous emmener sur les bords de la Bérézina et vous montrer aussi les trajets et les restes de la Grande Armée. Donc c'est des territoires qui ont été profondément marqués par justement ces formes de guerres dites irrégulières dans des contextes d'occupation étrangère. Ce sont des territoires qui ont le malheur de se trouver en ce cœur d'Europe, à ce carrefour européen, sur le trajet de toutes les grandes armées qui les traversent. Ce sont ces guerres que certains de nos auditeurs ont peut-être redécouvertes récemment, ces terres qu'ils ont redécouvertes avec le travail de Timothy Snyder, ou ça n'est pas exactement les terres de sang qu'il décrit dans son propre travail, parce qu'il y a des terres de sang, mais il y a d'autres terres qui sont complémentaires et sur lesquelles vous avez travaillé, Masha Serovitch, en travaillant sur ces partisans soviétiques des années 41-44. C'est, disons, complémentaire de ces terres de sang, ou disons que c'est leur partie orientale qui est le plus souvent ignorée. Ce sont effectivement ces confins d'empire entre les anciens empires russes et, disons, l'espace germanique, l'empire germanique, enfin l'empire allemand, etc. Mais ici, ce dont je parle moi, ces territoires où se lèvent ces populations en 1812, en 1917, en 1941, c'est la Biélorussie orientale, c'est la Russie occidentale, c'est un peu l'Ukraine. Ce sont en fait non pas les territoires de ces confins de mélange de conflits ethniques que l'on connaît vers la Pologne, la Biélorussie occidentale actuelle, c'est l'Ukraine occidentale bien entendu. Ce sont en réalité c'est la forteresse, c'est le mur qui protège Moscou. Voilà. C'est ce mur-là, c'est un territoire qui est beaucoup plus profondément marqué par un empire russe qui a été présent là pendant beaucoup plus longtemps. Alors, on parle souvent, pour notre défaite, pourrait-on dire, pour notre étrange défaite, de la surprise qui a étreint les Français en 1940, mais cette surprise, en vous lisant, n'a pas grand-chose à voir avec la surprise qui étreint les Soviétiques en 1941, parce que, vous l'avez dit, 22 juin 1941, début de l'opération Barbarossa, et en gros, à l'automne 41, la chose semble réglée, en tout cas dans sa première phase. On n'est pas encore à Moscou, mais on a conquis des centaines de millions de kilomètres carrés, et ces millions de kilomètres carrés qu'on a conquis, eh bien, il va falloir désormais les administrer, et les Soviétiques sont éberlués de ce qui s'est passé. Tout le monde est éberlué de ce qui s'est passé. Je pense que les Allemands sont éberlués de ce qui s'est passé. Et bon, il faut le dire tout de suite, puisque ça correspond, ça compte pas vraiment pour le sujet que je traite. Mais l'autre surprise quand même de cette année-là, c'est le sursaut soviétique qui leur permet de tenir. Bon, ça c'est un mystère qui n'est toujours pas élucidé par les historiens complètement. Mais pour les gens qui sont dans ces confins occidentaux, occupés ou non occupés, Moscou compris finalement. C'est un choc dont ils ne se remettent pas. C'est complètement incompréhensible. Ils n'ont pas les moyens, les outils d'interpréter, d'analyser ce qui vient d'arriver. Leur seul point de référence, finalement, c'est de revenir à 17. L'effondrement de l'armée russe, le départ du tsar, l'abdication et la paix de Brest-Litovsk. C'est ça l'idée, c'est leur point de référence, une guerre qui est finie. On a perdu, c'est fini, et maintenant s'ouvre un chapitre à nouveau d'inconnu où les individus sans gouvernement, sans État, doivent trouver une voie, une piste. Et parce que, évidemment, j'ai cité le Marc Bloch de l'étrange défaite, mais on pourrait citer le Marc Bloch des fausses nouvelles de la guerre, puisque vous insistez sur le fait que les rumeurs courent toute cette région. Non seulement elle est tombée, mais Staline s'est enfui, il est parti pour la Sibérie, les grands généraux ont déserté, et d'une certaine façon, l'URSS est un pays ouvert à cette invasion. Donc, on va devoir faire avec. Et ce que vous racontez dans le début de votre travail, Les enfants de Staline, aux éditions du Seuil, La guerre des partisans soviétiques, Masha Serovitch, c'est ce moment où des commissaires du peuple vont passer de l'autre côté, vont devenir des gestapistes communistes, où d'autres vont repartir à leurs affaires, parce que de toute façon, il n'y a plus d'union soviétique, enfin, du moins le pensent-ils, etc., etc. Et d'autres vont prendre les armes de façon très étrange, et avec des motivations très variées, Masha Serovitch. C'est en effet la principale réaction dans ces premiers mois de l'occupation est celle de rechercher l'adaptation. Il est probable que beaucoup d'habitants ne regrettent pas particulièrement le départ des Soviétiques. Il faut dire qu'on est juste après la Grande Terreur. 37-38, qui a eu la collectivisation des terres, qui dans ces endroits-là n'est pas tellement bien vue, et qu'au bout du compte, si le régime soviétique tombe, on n'est pas très mécontent. Voilà. Alors, Après, de toute manière, dans ce type de contexte de choc, il me semble un peu inutile d'essayer de s'imaginer quelle était l'opinion politique de tout un chacun. Ces gens sont avant tout confrontés à la réalité de cet effondrement soviétique. Et dans ces contextes-là, en effet, la plupart cherchent à s'accommoder, cherchent surtout à survivre, cherchent à se nourrir, cherchent à se loger dans des territoires qui ont été profondément détruits, profondément bouleversés par la campagne militaire elle-même. Et ce qu'il se passe, c'est que on a une rencontre début 42 entre quelques, disons, fanatiques, puisque c'est un peu ça, c'est quand même finalement ces gens qui, dès 41, essayent quand même malgré tout de résister, de se battre, qui sont balayés par les Allemands, qui vont être massacrés, qui vont être... Il y en a quelques-uns qui survivent, et bon, ça, c'est effectivement les fanatiques, rencontrent ceux qui, au bout de quelques mois d'occupation, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre sous régime allemand. Par exemple, ceux qui ont fui ou n'ont pas voulu être mis dans ces camps de prisonniers dans lesquels on meurt par millions, puisque vous dites qu'il y a au moins 2 millions soviétiques qui meurent dans ces camps de prisonniers faits par les Allemands, construits par les Allemands. Avant l'hiver. Ils ont vu mourir leurs compagnons, leurs proches, etc. dans ces camps. Et donc, ils se disent, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Et ils vont rejoindre ces fanatiques, ceux que vous appelez les fanatiques, qui sont les premiers résistants de cet espace anciennement soviétique. Et ils vont, ensemble, construire une alternative, une réponse à cette invasion allemande dans ces territoires biélorusses, ukrainiens, etc. Le tournant, en effet, c'est cette rencontre et cet engagement massif des anciens soldats de l'armée rouge, surtout des anciens jeunes officiers, en fait. C'est eux qui forment vraiment le noyau dur de ce mouvement. Ils apportent leurs compétences. Ils apportent souvent aussi une habitude de la brutalité et de la violence, un charisme tout aussi finalement fondé justement sur leur capacité de répression. De répression, de violence, etc. Vous dites bien qu'il y a une figure masculine violente qui est mise en avant dans ce contexte et qu'elle sera transportée tout au long de la guerre. Cette figure, c'est celui qui se venge, par exemple, parce que la question de la vengeance est extrêmement présente dans cette volonté de revanche soviétique contre les occupants allemands. Ce sont des hommes qui, effectivement, essentiellement au nom de la vengeance, mais pas seulement, parfois aussi au titre du patriotisme, du devoir patriotique, du devoir de loyauté, en particulier pour les soldats de l'armée rouge qui ont prêté serment, évidemment, à la patrie, par devoir et par vengeance, sont prêts à déployer la violence en permanence contre tout le monde, quoi qu'il arrive. Дивизия вперед, что мы с боем взять приморье белой армии на флаг, что мы с боем взять приморье белой армии на флаг, France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée à l'héritage des guerres, et en particulier aujourd'hui à l'héritage des guerres du XXe siècle dans l'ancien espace soviétique, puisque notre invité est Macha Serovitch, auteur des Enfants de Staline, la guerre des partisans soviétiques, 1941-1944, publié dans la collection L'Univers historique au Seuil, un livre qui vient de remporter le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois qui s'ouvriront dans la semaine et où nous nous trouverons nous-mêmes vendredi, donc pour l'émission de la fabrique de l'histoire. Et donc, votre livre, Macha Serovitch, ce que vous venez de raconter, c'est déjà pour permettre à nos auditeurs de s'y retrouver dans cet espace qu'ils connaissent mal et dont vous dites que des auditeurs allemands ou des auditeurs russes d'aujourd'hui le connaîtraient parfaitement bien parce que ça rentre dans leur saga, pourrait-on dire, militaire, patriotique, d'un côté comme de l'autre. Alors, cet espace qui est occupé, donc Biélorussie, également l'espace de l'Ukraine et de la Russie occidentale, est un espace très intéressant puisqu'il va falloir, quand on est partisan, s'y mouvoir, s'y installer et peut-être même le gouverner alors qu'on est battu et vaincu par les Allemands dans cet endroit-là. Cet espace est un espace marqué par une nature effectivement assez particulière qui est à la fois une chance, une ressource et un immense défi pour les partisans comme pour les Allemands en fait. Donc c'est assez facile à s'imaginer. Au sud, vous avez les terres noires, des territoires de steppe, donc c'est l'essentiel de l'Ukraine, la Russie du Sud, des espaces ouverts, d'agriculture riche, où il est quand même très difficile de se cacher, en tout cas quand les Allemands se déploient. Et donc ces Allemands d'ailleurs ont pour but d'occuper ces territoires-là, parce que ça permettra d'avoir un approvisionnement pour l'armée allemande et pour les Allemands. Voilà, ça c'est le grenier à blé de l'Europe, c'est le but principal, le grenier à blé, le pétrole ensuite, ça c'est ce qui intéresse les Allemands. Au nord, on a un immense espace de forêt et de marécage qui est effectivement celui qui couvre Moscou, avant les grandes toundras, les steppes, etc. Là, on a des forêts primitives, des forêts comme on ne les connaît plus en Europe occidentale, et ce depuis longtemps malheureusement. Et c'est dans ces territoires-là, donc au climat bien entendu, comme tout le monde le sait, quand même très difficile, des étés chauds, humides, et avec des moustiques absolument terribles, et des hivers extrêmement durs. Mais c'est un territoire qui n'intéresse pas les Allemands, c'est un territoire qui est pauvre, c'est un territoire où il n'y a pas grand-chose, que les Allemands donc sous-administrent, et en même temps, du coup, les partisans peuvent s'y installer, s'y cacher. S'y installer, s'y cacher, mais en même temps, c'est justement du coup aussi le défi de comment survivre à ces hivers, comment s'alimenter, comment gagner le soutien d'une population qui, habitant dans des villages assez isolés, perdus dans les forêts, parfois pas accessibles par la route, ont à peine vu passer les Allemands, ont pas un très bon souvenir de Staline. Et donc c'est pourtant ces populations-là qu'il faut convaincre de ne pas trahir, de ne pas... Passer du côté de l'occupant. Alors, il y a une dimension extrêmement intéressante, c'est que dans un premier temps, dites-vous, Macha Serovitch, ces partisans qui se constituent en petits groupes, qui s'installent un peu partout dans ce territoire marécageux et de forêt, ces partisans sont séparés du centre névralgique du pouvoir. Moscou est éberlué par ce qui lui est arrivé et d'une certaine façon les laisse migrer à l'intérieur de ce territoire à peu près librement jusqu'à un moment où à la fin de 41 et au début de 1942 où le vieux réflexe centralisateur stalinien ou révolutionnaire, donc bolchevique, va reprendre le dessus et on va dire mais on peut pas les laisser se débrouiller tout seul, faire des exactions peut-être, mais au nom de quoi, est-ce au nom de la révolution? Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des tentatives de reprise en main, Macha Serovitch. Il faut bien avoir à l'esprit que Moscou, et Staline en particulier, n'a pas confiance en sa population. Bien sûr, on l'a vu en 37-38, voilà. Pendant la Grande Terreur. Mais on l'oublie facilement, parce que c'est vrai qu'on a ce mythe communiste, on a effectivement ces belles chansons de la guerre civile sur les grands élans populaires. Mais d'ailleurs, Lénine, même au début, enfin même avant la Révolution, les bolcheviks sont quand même allergiques à toute action populaire incontrôlée. C'est vraiment dans leur ADN. Et donc, Staline en particulier n'a absolument aucune confiance en sa population. Ils sont beaucoup moins surpris de les voir trahir que de les voir se lever contre l'occupant. Et quand il faut reprendre le contrôle, c'est d'autant plus compliqué que ces gens se sont débrouillés tout seuls pendant quand même des mois et des mois. Et sont très difficiles à atteindre, même très physiquement. Les radios passent mal. D'abord, il faut livrer des radios. D'abord, il faut en avoir. Bon, ça, ils commencent à en construire, ils commencent à en produire, les Américains en envoient, mais enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de radios. Quand il y en a, ça ne marche pas très très bien dans ces territoires, le couvert forestier gêne. Sinon, il faut y aller à pied ou en parachute. Mais alors, le parachute, c'est pareil, c'est quand même un peu risqué, ils n'ont pas les personnels pour. C'est très compliqué. Et puis le NKVD n'a pas tellement envie non plus d'envoyer des gens très sophistiqués, qui sont de très bons révolutionnaires, dans un endroit où ils ont de grandes chances de se faire tirer comme des lapins aussi. C'est ça, parachuter en forêt à l'aveugle, c'est pas une stratégie extrêmement fiable. Donc on va assister, et c'est très intéressant quand on vous lit, à une négociation, à des sortes de compromis entre le pouvoir central moscovite et ses partisans installés derrière la ligne de front, derrière la ligne allemande, et qui vont commencer à se sentir les uns les autres en se disant, voilà, est-ce qu'on va arriver à pouvoir faire quelque chose ensemble, d'autant que entre le parti au pouvoir, entre le NKVD et l'armée rouge, eh bien, chacun veut tirer un peu la couverture à soi, sans compter le GPU. Tout ça fait qu'il y a des tentatives un peu désordonné dans un premier temps de contrôler ce mouvement des partisans. Moscou, ils se disputent entre eux comme ils se disputent toujours. Donc il y a d'un côté les Ukrainiens, donc il y a comme Khrushchev, des gens qui ont un peu de poids, Khrushchev, Beria, alors que le mouvement partisan et l'état-major du mouvement partisan revient au premier secrétaire du Parti communiste biélorusse. Mais enfin bon, le PC biélorusse, ça a pas le poids de Khrushchev. Donc c'est vrai qu'ils se disputent. Ça n'aurait pas grande incidence si les partisans n'étaient pas aussi doués à exploiter ces disputes quand ça les arrange. Et cela donne aux partisans qui sont profondément loyaux au régime soviétique la marge de manœuvre d'ignorer ce qui ne leur plaît pas et garder une forte marge d'autonomie par rapport aux diktats d'une élite d'avant-guerre qu'ils considèrent comme complètement discréditée. Discréditée par la défaite déjà. C'est une élite, de toute manière, c'est une élite qui avait quand même tout misé justement sur cette guerre qu'ils voulaient gagner, qu'ils allaient gagner. Leur défaite, combinée à leur départ en masse, fait qu'ils ont perdu toute légitimité aux yeux de ces hommes qui disent « Nous, on se bat, eux, ils sont à Samara ». On n'a pas à les écouter. Oui, parce qu'ils sont rejoints pour certains l'Asie centrale, effectivement, et puis d'autres commissaires du peuple ont trahi, sont passés du côté de l'adversaire nazi, évidemment. Ça ne fait pas bonne figure dans le paysage, pourrait-on dire, et donc l'État parti a beaucoup de mal à reprendre la main, à enserrer ce mouvement partisan dans une politique qu'il voudrait gouverner. Alors, ils vont d'abord dire, on va faire des actes de sabotage. Faites des actes de sabotage pour empêcher les Allemands d'aller plus loin sur le territoire soviétique. Ça va marcher, ils vont en faire. Ça va pas marcher énormément parce qu'ils font énormément d'actes de sabotage, mais néanmoins, les Allemands continuent à progresser ou à avancer. Et il va y avoir ensuite des négociations sur le pouvoir de chacun de ces groupes à gouverner des territoires qu'ils viennent de conquérir ou qu'ils maîtrisent au sein de cet espace nouvellement conquis par les nazis, Masha Serovitch. Il y a ici aussi l'histoire d'un malentendu qui n'est pas forcément spécifique aux partisans soviétiques, celui d'un pouvoir, d'un régime qui mise beaucoup sur ses partisans et justement sur ses sabotages, sur cette fameuse guerre du rail, quelque chose qu'on voit aussi finalement du côté des Britanniques, de l'Europe occidentale. et qui sous-estime, enfin qui surestime très considérablement les possibilités, les potentialités de ce type de guerre irrégulière dans le contexte des guerres, de la guerre totale, de la guerre moderne, qui est la Deuxième Guerre mondiale. Ça marchait en 1812, en 1942-43, les Allemands et les millions d'hommes, la quantité de matériel, etc., que cela représente, ça ne marche plus. Les Allemands gèrent tout simplement leur service logistique de manière un peu plus efficace que ne le faisait Napoléon. En face, on a des partisans dont le principal objectif est celui de leur propre survie et au-delà de la conquête de leur territoire, et non pas d'aller s'attaquer à une Wehrmacht qui, clairement, est trop puissante pour eux. Supérieure en nombre et supérieure aussi en moyens, parce que vous disiez tout à l'heure, Macha Serovitch, il faut que ces partisans installés dans leur petite patrie momentanée tentent d'avoir des postes radio, mais il faut aussi qu'ils aient des fusils, qu'ils aient des armes. Alors les armes, ils arrivent à en trouver de temps en temps. Les munitions, c'est plus compliqué, parce qu'évidemment, ils ont à la fois des pétoirs du 19e siècle et des armes modernes qu'ils ont pris à l'armée allemande quand ils ont réussi à attaquer une base de l'armée allemande. Mais il faut trouver les munitions qui vont avec et vous donner des chiffres absolument considérables. A priori, quand on les regarde comme ça, plusieurs dizaines de millions de munitions qui sont livrées par Moscou à ses partisans. Mais quand vous les ramenez au nombre de partisans en question, vous dites que ça fait à peu près 100 munitions par partisan pendant toute la durée de la guerre. Évidemment, avec 100 balles, on ne va pas très très loin, en l'occurrence, dans la conduite d'une guerre aussi compliquée que la guerre irrégulière contre les troupes allemandes. Ils sont en effet, les partisans, toujours en pénurie de tout. Et effectivement, les munitions, on commence par là. Les armes, ils en ont. Des armes à feu, des armes blanches aussi. Ils aiment beaucoup leurs armes blanches. Mais en effet, on manque toujours de munitions. Ils ne peuvent pas se permettre une fusillade avec les Allemands. Il manque aussi d'explosifs. C'est intéressant de voir comment les artilleurs s'improvisent saboteurs au tout début pour essayer de créer des mines des explosifs. Mais il manque aussi, évidemment, de nourriture, de vêtements, de médicaments. Surtout de médicaments. Vous dites, évidemment, là, certains d'entre eux, d'ailleurs, mourront de la famine, dites-vous, à certains endroits. En Crimée, par exemple, ils vont être décimés par la famine. Ils mettront ça sur le dos des Tatars de Crimée qui seront ensuite déportés par Staline. Et c'est une histoire qui nous rapproche du très contemporain. Mais il y a aussi le manque de médicaments. Et vous expliquez tout compte fait qu'on va se débrouiller avec le lichen que l'on fait bouillir pour remplacer la ouate qu'on n'a pas par le lichen quand on a été blessé, qu'on va trouver des moyens pour pouvoir réduire des fractures avec de l'écorce de bouleau, etc., etc., parce qu'on se trouve dans des forêts, dans des marécages, où la moindre blessure peut s'infecter très rapidement et où, sans aucune prophylaxie moderne, on se retrouve très rapidement à devoir soit être amputé, soit mourir de sa blessure. C'est un quotidien qui est très très difficile en effet. La faim touche certaines zones, en particulier donc la Crimée, mais aussi certaines zones après des opérations allemandes. C'est bien l'objectif de ces gouvernements partisans de garantir ce ravitaillement quotidien des brigades. Et globalement, ils y arrivent. En Biélorussie, dans les fiefs partisans, là où ils sont vraiment installés, ils arrivent à mettre en place des systèmes de gouvernement qui leur permettent d'assurer leur ravitaillement. Mais il n'y a pas de sel et, bien entendu, on meurt de la blessure, on meurt de la maladie de façon absolument tragique. On va revenir justement sur ces gouvernements mis en place par ces partisans à l'arrière du front allemand. Donc, on écoute d'abord Lisaveta, une chanson populaire de la période des années 30. Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, всё грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду. На горячем боевом коне одержим победу, к тебе я приеду. На горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою. Я с тобой, ты со мною. неразлучны навек. В тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. В тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись мне, встречая, был я храбрым в бою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую свою. Elisabetta, une chanson populaire des années 30 en URSS pour évoquer donc notre thème du jour avec Macha Serovitch, auteur des Enfants de Staline, La guerre des partisans soviétiques, publié au Seuil. Macha Serovitch qui vient de remporter le grand prix des rendez-vous de l'histoire de Blois qui lui sera remis ce week-end à Blois lors des rendez-vous de l'histoire où nous nous trouverons également vendredi pour une émission en direct avec beaucoup d'autres émissions de France Culture car nous sommes partenaires de ce moment, grand moment pour les historiens et les historiennes de France. Alors justement, Macha Serovitch, vous évoquiez à l'instant même ces territoires qui étaient gérés par les partisans soviétiques et votre ouvrage a trouvé des archives. Pour votre ouvrage, vous avez trouvé des archives absolument extraordinaires qui permettent de rentrer dans le quotidien, pourrait-on dire, de ce qu'on... En France, on appellerait le maquis, mais qu'on appelle là-bas la guerre des partisans, c'est-à-dire comment on vit dans un espace où on n'est pas très bien accueilli. La nature n'est pas très accueillante en tous les cas. Il y a des moustiques, il y a des marécages, c'est la forêt profonde. On est à l'écart des villages assez souvent. Il faut s'installer près d'un cours d'eau ou d'une source. Et puis, on va s'installer à 30 ou 40, construire un campement dont vous avez retrouvé, par exemple, un des modèles dans les archives que vous avez consultées, Macha Serovitch. Le croisement des archives allemandes et soviétiques permet en effet d'avoir un degré de précision, d'aller très près du terrain, de retrouver que ce soit effectivement dans les plans, mais aussi dans toutes les archives de ces gouvernements, dans les correspondances entre partisans, dans leurs journaux intimes, un degré de plasticité, et de finesse qui échappe très souvent aux autres historiens, aux historiens des autres résistances ou guerres de partisans qui ont tendance à laisser peu de traces. Mais ici, justement, l'ampleur des archives produites est un signe très concret, très matériel, de la puissance de ces mouvements, de l'ampleur de ces brigades et surtout de leur fonctionnement finalement très administratif, celui d'un gouvernement. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, vous allez bénéficier de cette vieille procédure bien connue depuis qu'on a lu les travaux de Bernard Pudal, des autobiographies de mouvements ou de militants communistes qui sont rappelés à Moscou, parfois pour être assassinés d'ailleurs, et à qui on les passe à l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous avez fait, dans quel territoire vous étiez, avec qui vous étiez, comment vous avez dirigé votre groupe, etc., etc. Et ça vous permet de rentrer très précisément dans ces centaines de petits groupes, parce que chacun a son nom, de groupes de partisans qui sont installés sur ce territoire de la Biélorussie ou de l'Ukraine, de l'ancienne URSS, puisque désormais il a été conquis par les Allemands. C'est d'autant plus vrai que Moscou utilise ces conversations ou interrogatoires, ça dépend du contexte, avec les partisans, pour tout simplement essayer d'obtenir toutes les informations possibles sur ces territoires occupés où, à l'origine, ils ne savent pas ce qu'il se passe. Du coup, on a des conversations longues sur les sujets les plus variés, puisque Moscou n'a pas forcément de priorité sur les sujets qu'il a abordés. Et donc cela permet effectivement de reconstruire avec des approches très différentes, en prenant des archives personnelles, des archives sur le terrain, des archives de Moscou, des archives allemandes, avoir un prisme d'approche qui illumine ces réalités extrêmement complexes. Et ces villes de forêt, dites-vous, c'est alors ça s'appelle Zemlyanki, c'est ça ? Zemlyanki. Et voilà, les Zemlyanki, donc qui sont ces camps, ces campements qui sont installés dans la forêt. Ils sont semi-enterrés, on peut y loger 10 à 30 ou 40 personnes, et cela permet de tenir, y compris dans la période la plus dure, ça permet de tenir l'été, effectivement, pour avoir un peu de fraîcheur, on s'enterre, et ça permet aussi de tenir un peu l'hiver, dites-vous, dans ces campements, même si beaucoup de ces groupes sont des groupes mobiles, qui font parfois des dizaines de kilomètres en une nuit pour pouvoir échapper aux Allemands. Les camps sont construits effectivement de façon semi-enterrée. Alors une partie des partisans, dès la fin 42, va passer au moins une partie des journées et des nuits en village. Mais il leur faut ces camps qui sont leur base arrière, donc semi-enterrés avec des techniques qui sont à la fois des techniques traditionnelles des paysans locaux, mais aussi bien entendu le savoir-faire des soldats et donc de la construction de tranchées, avec des campements qu'il faut s'imaginer comme des archipels construit à l'intérieur, aussi finalement sur ce modèle de l'archipel, des petits groupes de campements enterrés pour quelques dizaines de personnes qui s'articulent autour d'un camp central pour le commandement, et le tout derrière des lignes finalement de frontières, des lignes fortifiées, souvent à partir de 43, des lignes fortifiées protégées par les partisans qui construisent ces villes de forêt comme forteresse partisane. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez beaucoup à l'encontre de la mythologie de ces partisans, telle qu'elle a été écrite après la Seconde Guerre mondiale par les Soviétiques eux-mêmes, en particulier sur la mythologie de ces grands personnages qui sont censés avoir gouverné certains de ces groupes de partisans. Vous voyez bien tout le travail de la propagande pendant, parce que vous dites on instaure des figures pendant même la résistance, mais ça on sait que ça existe aussi en France, on fait des relations avec la guerre civile, on essaye de plaquer la figure d'un oncle ou d'un père, parce que vous dites que souvent ils sont surnommés de ce terme-là, c'est l'oncle Kostia ou c'est un père qui dirige ces groupes. Et donc, on essaye de plaquer la figure d'un ancien résistant de la guerre civile soviétique. Et ensuite, eh bien, on ne revient plus sur ces figures-là. Or, vous y revenez en particulier en travaillant sur la façon dont ils ont gouverné les territoires qui étaient sous leur coupe. Et ça n'est pas toujours un gouvernement très bien accepté des populations locales, dites-vous, Masha Serovitch. Les relations entre les partisans et les civils sont dans ce cas-là, comme dans toutes ces guerres dites irrégulières, qui sont finalement toutes des guerres civiles, ces relations entre partisans et entre combattants et civils sont cruciales. Elles sont fondamentales au succès de ces partisans. Mao n'était pas le premier avec les poissons dans l'eau, c'est une évidence, mais ce sont des relations qui sont souvent conflictuelles, extrêmement complexes. Combattants et civils, ça veut souvent dire aussi hommes et femmes, puisque les civils qui, au bout d'un certain temps, les civils qui ne sont ni à l'armée rouge, ni dans les bataillons allemands, ni chez les partisans, c'est quand même les femmes, les enfants et les vieux. Donc, ces relations entre des jeunes hommes éduqués à la violence et des villageoises peuvent être très complexes. Avec des slogans comme « Faites la fête les gars » et « La guerre effacera tout ». En effet, et ça c'est l'un d'entre eux qu'on retrouve dans les rangs de l'armée rouge de la même manière, cette idée que la légitimité du guerrier les autorise à tout, les autorise à l'alcool, les autorise à effectivement ignorer les pillages, au viol. Donc ce sont des relations complexes, mais il ne faudrait pas les imaginer purement conflictuelles. Le succès des partisans tient aussi à leur capacité justement à répondre en partie aux demandes de gouvernement de ces populations, en particulier sur la gestion des terres, sur la gestion des biens, sur la gestion des ressources. Ils ne sont peut-être pas populaires, mais ils deviennent en partie légitimes. Oui, c'est-à-dire que vous expliquez par exemple que ces soviétiques qui pour certains sont des vrais commissaires politiques de l'URSS vont finir par accepter par exemple que ces paysans qui n'ont jamais accepté la collectivisation pratiquent des jacqueries paysannes et leur donner raison justement dans la reprise des terres et dans l'organisation à l'ancienne, pourrait-on dire, avant la collectivisation de ces terres, même si eux, effectivement, sont persuadés que le caractère soviétique est plus important, ils vont laisser faire d'une certaine façon. Et ils vont gérer, pour certains d'entre eux, les terres de façon un peu particulière, Masha Serovitch. Souvent, ils vont faire plus que tolérer. Ils vont finalement accompagner ce processus de décollectivisation qui commence dès l'été 41. C'est la première réaction des paysans. C'est quand même à l'arrivée des Allemands. C'est enfin, les kolkhozes, c'est fini. Et une bonne partie des partisans va accompagner ce processus, distribuer les terres, finalement en disant que, d'ailleurs certains disent ouvertement, la collectivisation a été une erreur. En particulier dans les rangs de l'armée, l'armée rouge avait assez mal réagi à l'époque à la collectivisation. Il n'est pas si étonnant qu'un peu plus tard, les officiers de l'armée rouge disent « on va revenir sur cette erreur-là » et vont donc admettre qu'être soviétique, c'est tout simplement gérer ces terres. La capacité, le droit à gérer ces terres, à les distribuer à qui on veut, c'est ce qui fait le pouvoir soviétique. C'est d'abord ça, puis c'est aussi instaurer des prélèvements obligatoires, des impôts, négocier avec ceux qui vont les avoir et les subir, ces impôts, le taux de l'imposition, etc. Et ça, c'est une partie fort intéressante de votre travail, Masha Serovitch, dans Les Enfants de Saline, c'est de montrer qu'effectivement, eh bien, des petites républiques autonomes, qui sont perçues comme telles d'ailleurs par les ennemis que sont les Allemands, s'instaurent dans des pays, dans des petites parties du territoire soviétique, anciennement soviétique, et où eh bien, chacun mène sa politique à sa guise, d'une certaine façon, sans en référer du tout à Moscou. C'est un lieu de négociation essentiel entre ces populations civiles et ces populations combattantes. Les partisans rendent la justice, les partisans prélèvent, les partisans redistribuent aussi. Les partisans contrôlent les déplacements, la circulation de la population, la circulation des biens. C'est aussi eux qui organisent finalement les fêtes, c'est eux qui organisent la vie sociale des villages. Ils deviennent finalement centraux dans le fonctionnement de ces sociétés. Et encore une fois, que les villageois les aient appréciés ou non, de façon personnelle, devient finalement sans importance. L'important, c'est que ce système, c'est le leur, et c'est tout simplement l'État, le gouvernement et Et même les inspecteurs allemands regardent, non pas avec envie, mais avec surprise, le fait que certains de ces villages, certaines de ces régions, gérées par ces partisans soviétiques, ont un cheptel plus gras, alors que pourtant, il faut bien vivre sur la bête, en l'occurrence, ont un cheptel plus gras, ont plus de possibilités de se nourrir que dans les endroits où les Allemands ont instauré leur propre régime de gouvernementalité. Oui, c'est en partie parce que les Allemands sont extrêmement doués pour ignorer leurs propres pratiques et donc se retrouvent régulièrement surpris qu'il n'y ait absolument plus rien à manger dans les territoires qu'ils contrôlent alors qu'ils ont eux-mêmes organisé la famine. C'est aussi eux qui vont dénoncer la violence des Hongrois ou d'auxiliaires qui ne sont pas allemands. De Roumains. Voilà, parce que en ignorant le fait que les pratiques allemandes dans la lutte contre les partisans sont dès l'origine avec ces ordres criminels et de plus en plus avec la guerre d'une brutalité et d'une terreur inouïe. C'est une destruction systématique de ces territoires qui est mise en œuvre par les Allemands à partir de 43. Et donc effectivement, les Allemands ont beau jeu finalement de s'étonner que finalement c'est moins pire ailleurs. On va bientôt terminer avec vous notre entretien, Masha Serovitch. Une des questions que je me suis posé à la lecture de votre livre Les Enfants de Staline, c'est comment se fait-il qu'on puisse reprendre la main sur ces territoires à la sortie de la guerre, alors qu'ils ont été gouvernés les uns par les Allemands, puis ensuite par des partisans, repris par des Allemands, puis ensuite à nouveau par des partisans, dans des conditions d'autonomie qui étaient bien plus larges que ce qu'on connaîtra ensuite, Masha Serovitch. L'explication principale, me semble-t-il, vient de l'extrême violence de la dernière phase de la guerre, la libération par l'armée rouge, précédée par des opérations de très très grande ampleur par l'armée allemande en territoire occupé, donc derrière les lignes, qui détruisent littéralement tout. Et donc, d'abord ces opérations-là, et ensuite les semaines et les mois de la libération et de ces combats, laissent derrière tout simplement un champ de ruines. On a des régions entières où il reste quelques centaines, quelques milliers d'habitants, plus un seul village qui soit encore en état. Et ce champ de ruines, finalement, c'est plus facile à reprendre en main que les forteresses partisanes qui ont subsisté jusqu'à quelques semaines avant la libération. Vous êtes quelques-uns et quelques-unes à travailler sur ces régions. Vous n'êtes pas surpris du fort désintérêt que vos compatriotes français, par exemple, peuvent avoir, ou d'Europe occidentale, pour ce qui s'est passé pendant cette guerre là-bas, justement, de cette façon que l'on a de regarder ces millions de personnes déplacées, assassinées dans des conditions absolument atroces, comme une sorte de quantité négligeable de cette guerre qui a fait évidemment bien d'autres victimes. Je suis toujours surprise de cette réaction française, d'autant plus qu'elle n'est pas universelle. C'est essentiel dans le discours allemand, et pour une fois, là, le franco-allemand ne marche pas du tout. Il y a, je pense, quelque chose sur le mythe d'après-guerre, la puissance d'un côté du Parti communiste et en même temps les volontés très franco-françaises de l'ignorer. Mais c'est très surprenant, en effet, comme désintérêt pour finalement ce qui est une des plus grandes tragédies du siècle. Merci en tout cas de nous rappeler cette tragédie avec votre excellent livre qu'il faut lire parce qu'il est écrit avec une langue très belle, Les enfants de Staline, la guerre des partisans soviétiques. Macha Serovitch, c'est publié à l'Univers historique aux éditions du Seuil, et vous avez un bel automne puisque vous allez recevoir le prix des rendez-vous de l'histoire de Blois, le grand prix, et puis également un autre prix, c'est cela? Oui, j'ai eu le très grand plaisir aussi d'avoir reçu ou de recevoir dans un mois le prix Philippe Yannet Défense de la France de la Fondation de la Résistance. Eh bien, merci et bon travail à vous, et on se reverra évidemment ce week-end pour tous ceux qui se trouveront à Blois. Ils pourront dialoguer plus longuement avec vous ainsi qu'avec l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, puisque nous y serons dès jeudi et nous y resterons pour beaucoup d'entre nous jusqu'à dimanche. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Anthony Thomasson était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. Demain, nous vous parlerons dans notre série sur l'héritage des guerres. Eh bien, nous vous parlerons avec deux écrivains de la façon dont un écrivain et un documentariste, dont on nourrit son œuvre avec cette obsession que l'on peut avoir pour les guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale ou l'ensemble des guerres.